Comment pousser les bords du monde? I'm just average common too, just like him, same as you. Bob Dylan. When you're trying to be so good, you walk into the room. Comment pousser les bords du monde? With your pencil in your hand. Un feuilleton de François Bon. I was shadow boxing early in the day. I figured I was ready for Cassius Clay. By Bob Dylan. For the times, they are a-changing. 7. La Belle et le Vagabond, John Baez. 1963. Le premier disque de Robert Zimmerman, simplement intitulé Bob Dylan, paru au mois de mars dernier, atteint juste les 4000 exemplaires. Mais depuis, tout a changé. Bob Dylan écrit ses chansons au lieu de chanter celles des autres, les vieilles chansons de la tradition folk ou de la tradition blues. Et dans le contexte de la guerre froide, de l'affaire de Cuba, des luttes pour les droits civiques et l'égalité des races, ce sont des chansons que toute une société va revendiquer pour son propre cri, bien au-delà de celui qui les a écrites, celui qui les chante ou les donne à chanter aux autres. Il est désormais plus connu comme auteur de chansons à succès de Peter, Paul and Mary, Johnny Cash et d'autres que pour ses propres concerts. Carina, Carina, get where you've been so long. Lui, Bob Dylan, il est dans l'entre-deux. Dans ses concerts, les nouvelles chansons Hard Rain Gonna Fall, Masters of War, Blowing in the Wind sont des coups de tonnerre. On les connaît par cœur, on les chante avec lui. Mais c'est toujours le public restreint du Gaslight, du Gertz Folk. Maintenant, c'est pour Dylan qu'on vient. Et ses chansons, on les prend comme une arme aussi forte que ces missiles nucléaires qu'on dénonce. I got a bird that sings. Quand je vais aux toilettes, il y en a qui me suivent, juste pour dire « J'ai vu pisser Bob Dylan ». C'est le premier effet de la popularité, tel que la constate autour de lui Bob Dylan. Limité. Do you agree that you should be the leader of singers with a message? No, I don't know what that is. Don't you think your first records were much better than the ones you do now? Who said that? This one here, this fellow here. Huh? Are you American? I'm French. Well, that's why you probably think the first records are better. Carina, Carina, girl, you're on my mind. Bob et Suze se sont réconciliés. Suze entend bien avoir son propre itinéraire artistique, évoluer comme lui évolue. Si elle est restée 5 mois en Italie, c'est qu'il y a eu un petit copain, Enzo. D'ailleurs, quand ce sera fini avec Dylan, c'est là-bas qu'elle retournera, avec Enzo qu'elle se mariera. Aujourd'hui, Dylan obtient qu'elle réemménage avec lui, au 161 de la 4e rue Ouest. Il enregistre son deuxième disque, mais ça ne va pas tout seul. En fait, il enregistre pas loin de 3 deuxièmes disques successifs. Parce que chaque fois, c'est le même processus. S'installer devant le micro avec la guitare et l'harmonica, enclencher une bande et jouer ce qu'on joue dans les concerts, puis trier ce qui fonctionne. Si une chanson n'est pas bonne, on laisse tomber, on ne recommence pas. Les Freewheeling Outtakes, les morceaux abandonnés de The Freewheeling Bob Dylan, deviendront pour 20 ans au moins le plus célèbre, le plus recherché et le plus diffusé de tous ces disques pirates. En fait, jusqu'à ce que Dylan édite lui-même ses bootleg tapes. If you're traveling in the North Country Fair. Freewheeling, Dylan en roue libre. L'expression cycliste ainsi traduite sur le disque dans sa version française, celle qu'achètera George Harrison lors d'un des premiers concerts parisiens des Beatles et qu'il fera écouter aux 3 autres, c'est un léger contresens, une roue folle plutôt, une roue en terrain libre, on devrait dire. Enregistrement sur enregistrement. On fait la place pour Blowing in the Wind, pour Masters of War, pour Girl from the North Country. C'est bien le Bob Dylan des chansons engagées, les chansons qui montrent du doigt et qui feront aussitôt le tour du monde et ce disque, leur drapeau. Please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Pourtant, même si Suze, arpentant à son bras les rues enneigées de New York, est avec lui sur la pochette, La chanson qu'il avait écrite lorsqu'elle était partie pour l'Italie, lorsqu'elle l'avait informé qu'elle y restait plus longtemps que prévu, sans dire qu'il s'agissait d'un garçon de rencontre, c'est encore une fois Peter, Paul and Mary qui la chanteront pour la première fois. Don't think twice, it's alright. Dylan, c'est aussi, ou déjà, ses personnages seuls sur fond de ville, un peu comme une peinture de Hopper. When your rooster crows at the break of dawn. Regarde à la fenêtre, mais je serai parti. À cause de toi, je suis parti. N'y repense plus, tout va bien. Je ne peux pas dire qu'avec moi, tu n'as pas été chouette. Si tu avais pu faire mieux, je ne sais pas, mais pas grave. C'est juste qu'on a gaspillé du temps, le mien est précieux. Mais n'y repense plus, tout va bien. And it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. Le disque paraît au mois de mai 1963, mais le succès sera lent, progressif. Il y a, avant de changer le monde, les murs du métier à briser. Albert Grossman a son propre club à Chicago. Dylan va y jouer. La stratégie de Grossman, c'est l'échange. Grâce au chanteur qui l'accueillera, Dylan pourra jouer à Denver et à New York dans d'autres salles que l'Eternal Guards ou le Gaslight des habitudes. Grossman a un carnet d'adresses, il va s'en servir. Par exemple, la célèbre Joan Baez. Son père, professeur au Massachusetts Institute of Technology, c'est sur le campus qu'elle commencera à chanter. Elle enregistre un premier album en 1959 avec deux autres folk singers de Harvard, Ted Alevizos et Bill Wood. Assez pour se lancer en tournée. Albert Grossman l'accueille à Chicago en première partie d'Odetta. En 1960, son premier album solo. Elle a 19 ans. Une suite de chansons traditionnelles, incluant par exemple House of the Rising Sun. C'est un énorme succès, et l'image de la jeune fille à la guitare et voix très pure circule dans tout le pays. If I had listened to what my mother said, I'd have been at home. Fin 1961, son deuxième disque. Encore des chansons traditionnelles, mais une connotation plus revendicative, plus plaintive. Cet été 1962, Joan Baez est la première à chanter dans les campus du Sud en exigeant qu'aucune différence ne soit faite entre blancs et noirs. Albert Grossman demande le renvoi d'ascenseur. Ses concerts à elle, c'est 3000 personnes, des salles auxquelles ne pourrait prétendre Bob Dylan. Joan Baez va s'approprier « Don't think twice, it's alright », puis « Blowing in the wind », et elle invitera Dylan sur scène comme invité surprise pour un duo. Bientôt, il fait ses premières parties. Pretending not that I don't know as someone who has had you on his mind. Et vient la mort de Medgar Evers. Medgar Evers était un militant noir des droits civiques. Il a 38 ans cette année-là. Il a été soldat et commence à enquêter systématiquement sur les crimes impunis de victimes noires. Le 12 juin 1963, un membre du Ku Klux Klan, Byron de la Beckwith, l'assassine froidement devant sa maison, sous les yeux de sa femme et de ses trois enfants. Condamné à mort, il verra le jugement transformé 31 ans plus tard en prison à vie. L'assassinat de Medgar Evers est un événement national. Une bascule lentement s'amorce qui fait surtout comprendre, à rebours, le poids implacable du racisme, à même pas 50 ans de distance. 4 semaines après le meurtre, Dylan chantera « Only a Pawn in Their Game » devant les publics noirs des petites villes du Sud, avec Pete Seeger, son premier voyage au Sud. Ce qui nous aide aujourd'hui à comprendre Bob Dylan, à comprendre un tout petit peu de Bob Dylan, c'est qu'un autre chanteur de protest song, Phil Ox, lui aussi battant le pavé à Greenwich Village, et certainement ces mois-ci, très proche de Dylan, compose en même temps un autre chant à Medgar Evers. Version de Phil Ox, His color was his crime, it struck the heart of every man when Evers fell and died. La couleur de sa peau, c'était son crime. Un coup au cœur de n'importe qui, quand Evers tomba et mourut. Le pays a gagné un criminel, le pays a perdu un homme. Rien de plus direct. Version Bob Dylan. Aujourd'hui, on a enterré Medgar Evers, tué d'une balle qu'il a reçue. Rapporté en terre comme on ferait d'un roi. Et quand le soleil plein d'ombre s'est posé sur celui qui a levé l'arme, lui sur sa tombe et la pierre qu'on y posera à côté de son nom, ce sera ça l'épitaphe. Juste un pion dans leur jeu. Entre l'image du roi qu'on enterre et le soleil d'ombre sur le criminel et l'épitaphe qui renvoie à bien plus anonyme que l'assassin, la protestation d'Ilan est sans doute bien moins directe que celle de Phil Ox. Mais le poids tragique, la rémanence des mots, la densité de l'image, c'est le travail que fait en ce moment Bob Dylan avec le testament de Villon qu'il vient de découvrir. C'est l'écart qui confère à la chanson sa force, sa pure nature de chanson et non pas de discours. Phil Ox, modèle du chanteur contestataire, mourra à 35 ans, trop d'alcool, trop de tabac, et la rancœur aussi. I wrote this song. It tells a story if you... if you like stories. Newport, ce mois de juillet 1963, c'est le rendez-vous annuel du folk. Joan Baez est celle qu'on y fête. Bob Dylan, celui dont maintenant tout le monde connaît les chansons, celui dont le disque A Free Willin' Bob Dylan est dans toutes les têtes, avec ses nouveaux électrophones qui s'allègent, se répandent, elle l'appelle son petit vagabond. Le petit vagabond n'a pourtant connu que Ebbing, Duluth, Minneapolis, Denver, Chicago et New York. Il a été une fois à Londres et de là 5 jours à Rome. Il se plaît encore à s'inventer des biographies fictives. Né au Nouveau-Mexique, roi de l'autostop. Dylan s'enferme chez Joan Baez, à Carmel. Sa première découverte de la côte ouest est trop loin de Suze pour qu'elle puisse savoir ce qui se passe. Quand Joan Baez chante à Newport, la chanson écrite lors du départ de Suze pour l'Italie, elle dit, en annonce, à propos d'une histoire de couple qui a duré trop longtemps. Suze est dans le public, elle s'en va. Et la nouvelle chanson écrite chez Joan Baez s'appelle Times they are changing. Les temps commencent à changer. Ce qui a changé, en tout cas, c'est que Suze a déménagé. Elle vit chez sa sœur. Pendant 4 ou 5 mois, Dylan la rejoindra là-bas, quitte à des scènes qui n'en finissent plus, ou bien s'héberge chez Dave Van Ronk. Parce que vivre seul, au 161 de la 4e rue, il n'aime pas. Maintenant, liberté maintenant, liberté maintenant. Et un peu plus loin, des jeunes qui marchent en chantant. Le 28 août 1963 est un événement considérable pour l'Amérique. La marche pour les droits civiques de Washington. Trains spéciaux, autobus. On vient de loin et surtout du sud. On estime à 200 000 le nombre de marcheurs, dont bien sûr quelques dizaines de milliers de blancs. Égalité dans le droit, égalité dans l'emploi, le défilé est gigantesque, calme, magnifique. On n'en est plus à McCarthy, quelque chose s'est ébranlé, mais Kennedy, too little, too late, trop peu, trop tard. On a disposé au lieu du rassemblement, pour le départ du cortège, une estrade et des haut-parleurs. Ceux du folk sont avec la foule noire en marche pour leurs droits. John Baez, Peter, Paul and Mary entourent l'ancienne femme de ménage, la chanteuse Odetta. John Baez commence, Odetta continue, puis Peter, Paul and Mary, et leur deuxième chanson sera leur tube, Blowing in the Wind. Baez et Odetta chantent avec eux, puis disent que l'auteur de la chanson est avec eux. Alors monte le jeune type maigre avec sa guitare. Il chante « When the ship comes in », une allégorie de l'esclavage. Et la chanson écrite deux mois plus tôt sur l'assassinat de Medgar Evers. Est-ce qu'une foule peut entendre, dans ces conditions de sonorisation précaire, les phrases décalées de Dylan, prononcées avec cet accent affecté de routard d'importation? C'était l'antienne des journalistes au temps des premières conférences de presse. Et vos fans, ils comprennent ce que vous dites? Puis c'est un aîné, le chanteur noir Josh White, et tous ensemble reprennent l'hymne officiel, We Shall Overcome. Standing before the Lincoln Memorial on the 28th of August, in the centennial year of emancipation. L'après-midi, il y aura les discours. Le pasteur Martin Luther King qui prend le micro et lit le début d'un texte tout préparé. Mahalia Jackson le coupe. Martin, raconte-leur ce rêve que tu m'as dit. Le pasteur s'interrompt, la regarde, puis la foule et abandonne son texte. I have a dream the other night. Dylan était à 3 mètres. Reste pour Dylan et John Baez d'avoir chanté à 22 ans devant 200 000 personnes, dans un tournant de l'histoire. Elle ne concerne que les États-Unis racistes, mais nous les importerons comme symbole de la protestation, comme s'ils concernaient, premier pas de l'américanisation globale, nos vieilles démocraties aussi. Avec le sentiment mêlé, pour Dylan et Baez, que la politique est un cercle clos, ingrat et violent, où la fraternité engagée qui a été l'idée fondatrice du mouvement folk de Woody Guthrie à Pete Seeger ne va pas d'emblée en simplicité. Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon for the wheel's still in spin. Reste que le symbole désormais les précède, où qu'ils aillent. Kennedy sera assassiné 3 mois plus tard. On laissera 4 ans et une poignée de mois à Martin Luther King pour vivre encore. The times are changing. La grande chanson de Bob Dylan servira 20 ans plus tard de jingle dûment rétribué à une compagnie d'assurance vie. John Baez chantera dans les années 70. Les entends-tu, Bobby, les voix de la nuit? Les entends-tu, ceux qui souffrent? Réponse dans les chroniques. John Baez a enregistré une chanson que la radio passait souvent, dans laquelle elle m'interpellait. Montre-toi, prends tes responsabilités, guide les masses, sois l'avocat, mène la croisade. Ça m'arrivait comme un appel du service public. On est en 1963. Dylan a 22 ans et sa carrière de chanteur engagé est bouclée. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing. Jean-François Néolier, Julien Douminque, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté par François Bon. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, oh, the times, they are a-changin'. Demain, 8e épisode. Un retournement, l'autre face de Bob Dylan.